s'accomplir. Fond et court comme le torrent qui chante pour la nuit. Connaît la douleur d'une trop riche tendresse. Être blessé par ta propre faiblesse. Saigner le feu dans la joie, t'éveiller à l'aube, le cœur ailé, rendant grâce pour ce nouveau jour d'amour, reposant dans cette extase d'amour. L'amour n'a pas d'autre remède que d'être aimé.